Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast Wessels Interview où exclusivement on a un acteur de ce monde merveilleux qui est le catch pour une interview exclusive et cette fois-ci c'est un catcheur français que nous allons vous faire peut-être découvrir si vous ne le connaissez pas encore. C'est Bruce T qui vous accueille et avec moi pour l'interview, aussi une voix que vous avez l'habitude peut-être de trop entendre. Il faut le faire savoir d'ailleurs si vous en avez marre de lui, c'est Sébastien. Salut Seb. Ouais, non, on ne se lâche jamais de ma voix, on ne se lâche jamais. Genre, je reçois des mails tous les jours. Salut à tous. Ah d'accord, ouais. Je sais pas combien tu les payes, mais bon. Et donc avec nous ce soir, à ce jour d'ailleurs des 5 ans, le jour où on enregistre, donc un anniversaire, bon c'est pas son anniversaire je pense, c'est Hooligan Beef. Salut. Salut les gars, salut Ça à va? tous. Ouais, écoute, pas trop mal, ouais, pas trop mal. Mais non, c'est pas mon anniversaire. Ben non, désolé, c'était. Ouais, c'était pas très long. Ouais, s'il y a quand même un petit bon. Enfin, on s'en fout, Bon, bon anniversaire quand même en avance ou en retard. en fait. Ok, ça va. Bon, mais comme d'habitude, comme vous avez l'habitude, je pense, les auditeurs, maintenant, on va poser donc une série de questions, sur ton parcours et puis voilà, pour voir un petit peu plus en profondeur ta passion pour le catch. Donc, bah, d'abord, je vais commencer par le commencement. Comment tu as découvert le catch? Pas être très original pour le coup parce que je pense que bah de toute façon j'avais écouté quelques interviews beaucoup c'est un peu comme ça c'est pareil étant petit en regardant Canal+ mon frère qui est un peu plus âgé regardait déjà avant puis je me suis mis à regarder avec lui et puis bah du coup voilà après je suis resté fan pendant bah toute ma période ado etc donc et puis c'est parti comme ça quoi c'est parti comme ça donc je me rappelle d'un bon, c'est pas une référence du tout mais du match que je me souviens absolument parfaitement. Le premier match que j'avais vu, c'était Big Show à l'époque, le géant, contre Kenny Chaos à la WCW. Après, depuis, ça s'est toujours ça s'est poursuivi. Donc voilà. Bon, tu dois être le seul qui a encore un souvenir de Kenny Chaos, hein, je pense, parce que. Ah ouais, je sais pas si c'est possible, mais du coup, ouais, ça m'est bien resté. Ouais, ça m'est bien resté. Et du coup, quand est-ce que tu as décidé de passer du statut de fan, entre guillemets, à celui de catcheur? Je pense que ça, peut-être pas pour tout le monde, mais tu sais, quand tu regardes le catch depuis petit, je pense qu'à un moment donné, dans ta tête, t'as l'idée qui trotte, tu te dis, tiens, putain, j'essaierais bien de ça. Je voulais au moins essayer une fois, quoi. Je voulais au moins essayer une fois, et puis du coup, alors après, tu commences à chercher sur Internet parce que pour savoir un peu ce qui se fait en France, et je voyais que des trucs. Par rapport à ce qu'on voyait sur Canal+, que des catch, catch, on va dire, à l'ancienne, quoi, français, purement français, où c'est pas du tout ce qui me correspondait, jusqu'à ce que je vois des vidéos de la ICWA, et je me suis dit, tiens, là, ça, y a quelque chose d'intéressant. Étant jeune, je voulais faire des stages, je voulais vraiment faire des stages, tout ça, mais j'avais pu, au niveau financier, c'était un peu compliqué. J'étais assez loin. Et du coup, bah, un jour, ouais, j'avais 19 ans, je voulais absolument essayer. Du coup, j'avais trouvé un contrat d'apprentissage, tout ça. Et puis, bah, j'ai parti déménager là-bas pour suivre les entraînements toutes les semaines, quoi. Et ça a plutôt bien fonctionné. Donc après, bon, bah, voilà, quoi. On a poursuivi, j'ai poursuivi. Et dans ta façon d'aborder la passion de catcheur et dans ta façon de catcher, est-ce que tu as des inspirations venant de catcheurs précis que tu suivais peut-être à l'époque ou actuellement? Moi, contrairement à certains, j'ai commencé avec la WCW à suivre, la WCW. Du coup, alors qu'il y en a qui ont suivi la WWF avant. Du coup, j'aimais beaucoup Bret Hart, Chris Benoit. Bret Hart, Chris Benoit, c'était vraiment mes deux catcheurs favoris. Par contre, après m'inspirer d'eux, ouais, je pense plus ou moins, oui, parce que on trouve tous des inspirations à droite à gauche. Après, ouais, c'est pas évident de dire exactement, ouais, enfin, oui, enfin, en gros, c'était mes inspirations, quoi, ça c'est sûr, ouais, je pense que il y avait deux, trois trucs que j'ai dû leur piquer. Bon, après, après, j'ai grandi avec la WWE, donc t'as le rock, tout ça, enfin, tu piques tous les catcheurs que t'aimes bien, sur certaines choses, tu leur piques deux, trois choses, enfin, en tout cas, pour moi, c'était le cas, quoi. après. Et ensuite, bon. Une question que l'on pose à tout le monde, c'est pas forcément ouais. évident de répondre du tac au tac, mais quel est ton meilleur souvenir dans le ring à ce jour et le pire? Ouais, mais ouais, c'est pas évident à répondre ça. Ouais. Ah, c'est clair. Les meilleurs, il y en a beaucoup, comme les pires, il y en a pas mal. Pour en sélectionner, alors, il y en a un sûr, c'est Révolution 5, au Grand Palais de Lille. C'est vraiment un super souvenir. Parce qu'il y avait 2500, ouais, 2000, ouais, je crois, 2500 personnes, je crois. 2500 personnes qui étaient bien, bien bouillants. Il y avait des moyens. On avait un écran géant, plus ou moins. On avait des gens à la technique. Enfin, c'était vraiment, il y avait Gangrel qui était sur le show. C'était vraiment un super souvenir, même si c'était très, très court. Mais j'avais fait le match d'ouverture. Je me rappelle, je m'étais pris un tollé. Enfin, je m'étais fait huer comme jamais. C'est vraiment un super souvenir pour le coup, vraiment énorme souvenir. Et après, pour en trouver un deuxième, pour c'est pas évident. Ouais, sur le ring, c'est vraiment pas. Bon, je sais pas. Là, je serais pas comme ça. Il y en a trop qui se bousculent. Pour le pire, ça va être un peu plus simple. Oui, il y en a un qui est pas mal. Il y avait un show à Oisem, ICWA, et j'étais booké dans un triple threat match avec Luca Di Leo et Mike Skills. Donc en plus j'aime bien les three way, donc j'étais content. Et du coup je me sentais pas bien pendant toute la journée. Et en fait mais vraiment pas bien, et plus ça allait plus je me sentais pas bien du tout. Et c'était à l'époque où il y avait les grosses épidémies, je crois, de grippe aviaire ou je sais pas quoi. Et du coup pendant le match, j'ai dit à Luca, j'ai dit vas-y shoot-moi le genou, je vais simuler une blessure parce que je me sentais pas bien et j'ai vomi sous le ring et tout. Et je sais plus qui c'était, deux personnes sont venues me chercher pour me sortir. Et j'étais vraiment dans un état pourri. C'était vraiment un sale souvenir, parce qu'on avait prévu un match correct. Et après, ouais, il y en a plusieurs, il y en a pas mal. Il y en a vraiment pas mal, quoi. Je sais quand je m'étais blessé aussi dans un match avec Fury au genou. Quand je me suis ouvert le mollet chez N-Catch aussi, c'était pas top. Mais, au final, ça reste des bons souvenirs aussi, tu vois. Avec le recul, ouais. Ouais, avec le recul, ouais, tu te dis, en fait, c'est des moments sympas, quoi. Mais oui, non. Puis après, bah, les matchs où t'es pas dedans, ouais, effectivement, c'est jamais des bons souvenirs. Pour revenir au tout début de ta carrière, t'as quoi comme souvenir de ton premier match? Je m'en souviens plutôt bien, parce que du coup, c'est toujours une excitation particulière quand on te dit que tu vas débuter sur un show. Devant le public, tout ça, c'est toujours particulier. Et en fait, donc j'étais en équipe avec Xandor contre Greg Fury et je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Dark Tevius, un mec qui catchait à la VS. C'est un peu vieux catch, un peu vieille France, tu vois, enfin un vieux catch, quoi. Et le match devait pas être terrible. Du coup, je me rappelle que lui, en fait, ce mec, enfin moi j'avais des spots avec lui. Et tellement il était vieille France, quoi, c'est que le mec, il me faire genre trois close lines d'un coup, mais à peine, il me laissait même pas le temps de me relever, quoi. Il était super rapide parce que pour lui c'était, je sais pas, c'est une mentalité un peu spéciale. M'en garde toujours plus ou moins un bon souvenir, je pense. Alors, j'avais une gimmick, c'était pas ma gimmick que j'ai actuellement. On avait tâtonné, et en fait Sturi avait vu dans un jeu vidéo un mec qui était en gros qui était genre au lycée, dans un jeu vidéo, il était au lycée, il terrorisait un peu les gamins, tout ça, mais d'une famille riche, quoi. Et du coup on était parti là-dessus, mais ça a pas du tout fonctionné. Je crois que mon premier nom c'était Bertrand Charles machin, et je devais faire le mec super respectueux, mais ça a pas du tout, on a vite arrêté, c'était pas bon, quoi. C'était pas bon du tout. Ouais, ça aurait pu faire comme Temple Age, qui avait démarré un petit peu comme Noble aussi, mais. ouais, mais c'était un peu l'esprit. C'était pas trop ça, mais on va dire c'était un peu ça, mais avec vraiment où moi je devais dire les pires insultes possibles, mais j'avais pas la tenue, j'arrivais pas à me trouver là-dedans. On voyait bien que je me perdais dedans, donc c'était pas. Et puis les gens comprenaient pas du tout, quoi. C'est quand je suis arrivé. En singlet, en plus c'était un singlet noir, c'est basique. Et quand le speaker annonce Bertrand Charles machin, les gens ont pas capté, quoi. Ils se sont dit qu'est-ce que c'est que ça, c'est pas possible. Durant ta carrière, t'as donc disputé aussi des matchs à stipulation. T'as disputé quel genre de match, par exemple? Bah du coup, comme bah en France c'est assez classique, à part les matchs, à dire Street Fight ou Hardcore, j'ai pas fait grand chose d'autre. D'ailleurs, on pourrait le mettre dans les bons souvenirs aussi. C'était le Hellfest où on avait fait un tournoi Hardcore pour le titre XTC. Même si j'avoue, au départ, en arrivant au Hellfest, j'étais pas à mon aise, quoi, parce que c'est assez particulier. Mais au final, c'était bien détendu. Et enfin, du coup, c'était vraiment une ambiance particulière, mais c'était vraiment bien. Et ouais, bah match Street Fight Hardcore, quoi. Après, moi, je suis pas trop Hardcore. Enfin, j'aime pas trop. Enfin, j'aime bien le Hardcore, mais bien fait. Enfin, bien fait. Pas style CZW où c'est vraiment une boucherie. Booster, je sais qu'il est très, CZW. Et du coup, au Hellfest, ouais, il avait quand même sorti des punaises et tout ça. Il voulait que je tombe dedans. J'ai dit non, c'est hors de question. Hein. Je dis moi, c'est mort, quoi. Et non, mais après, ouais, juste Street Fight et. Ouais, du Street Fight ou Hardcore, quoi. Mais je crois pas de mémoire. Non, j'ai pas fait autre chose. J'ai dû passer à travers une table une fois, mais c'est, ouais. C'est pas, ouais, c'est tout. À part Street Fight. Est-ce que tu as un dream match? Un match qui est possible et un match rêvé? On va en demander deux, tiens. Alors, un match rêvé, alors un match impossible. Impossible. Bah, c'est pas évident parce qu'il y en a, beaucoup. Pour rester dans l'époque où gros fan, ça serait Triple H. Juste pour kiffer son entrée, voilà, c'est juste ça, quoi. Parce que ça a bercé mon enfance, plus ou moins, voilà, on va dire ça. Un match réalisable, c'est pas évident, parce que c'est assez intéressant, je pense, avec un peu tout le monde. C'est une autre façon de voir les choses. Après, c'est réalisable, attends, je réfléchisse vite fait, moi je dirais ouais, Tommy End, mais bon, je pense que je suis pas le seul à le dire, même si je pense que nos styles iraient pas du tout, mais Tommy End, ouais, ce serait un kiff, ouais. Justement, en parlant de catcheurs qui ont quand même une certaine renommée, peut-être pas nécessairement mondiale, mais quand même minimum européenne, t'as déjà eu des interactions, je pense notamment peut-être à Mason Ryan qui était sur le show Revo 7. Ouais, alors j'ai pas eu d'interaction dans le show avec lui. Je l'ai croisé backstage, bon, après tu parles d'interaction sur le show ou croisé backstage, etc. En général, et que ça soit sur ce show ou dans d'autres shows, voilà, des catcheurs qui sont assez connus quand même sur la scène européenne ou éventuellement mondiale. Ouais, du coup, Gangrel était super sympa. À Revo 5. Mason Ryan, je n'ai pas trop parlé avec lui, bon, il avait pas l'air trop chiant. Après, il y en avait pas mal, hein, Tu sais que les Européens, comme Bad Bones, je sais que j'ai du mal avec lui. Je sais pas, Peter et Lucas, du coup, doivent un peu mieux le connaître, puisqu'ils ont été, ils sont réguliers à la VXV, donc je pense qu'ils ont, puis il a catché conclu à Revo 7, donc je pense qu'ils doivent mieux se connaître maintenant, mais j'ai toujours cette image de Bad Bones où il avait défoncé Tom Delacroix à l'époque, parce que pour lui c'était un rookie et je connais pas l'histoire exacte, mais il avait dû foirer un truc dans le match et il y avait une vidéo qui traînait sur internet où il le met KO et après il fait sa prise de, enfin clairement il aurait pu lui briser la nuque. Depuis ce temps-là, j'ai un peu de mal avec, enfin j'ai du mal avec ça, quoi. Enfin, je comprends pas trop la mentalité du mec, parce qu'il l'a vraiment mis en danger. Pour moi, en tout cas. Bon, donc ouais, Bad Bones, je suis pas très, j'ai un peu de mal avec lui. Après, Tommy End, Joey Legend, c'est des mecs qui nous ont donné beaucoup de conseils, quoi. Ils nous ont donné beaucoup de conseils. Et surtout Tommy End, c'est assez marrant parce qu'il est, enfin c'est assez marrant. C'est que quand j'ai commencé, je connaissais pas du tout et il était, je veux dire, il avait pas de barbe, il était jeune, quoi. Il était vachement jeune. Au début, tu vois catcher, il vient de Hollande, tu te dis, ouais, il est pas mauvais, machin, pas dégueu du tout. Puis au fur et à mesure, tu vois ses matchs, et puis en fait, en gros, on l'a vu, enfin, je pense que je suis pas le seul, on l'a vu grandir, quoi. Et du coup, là, maintenant, je trouve qu'il a une dimension énorme. Il a pris un charisme de fou, là, il creuse vraiment, sur la scène indie, mais putain, on l'a vu prendre vraiment une ampleur de dingue, quoi. Enfin, moi, pour moi, je trouve que c'est, niveau catcheur européen, je trouve que c'est vraiment l'un des meilleurs, hein. Enfin, si ce n'est le meilleur, quoi, en ce moment, en tout cas. Et comment est venue l'idée de ton personnage de hooligan parisien? Alors du coup, il vient pas de moi, même si, enfin, il vient pas de moi, non, il vient pas de moi proprement dit, parce que quand on avait foiré la première gimmick, je sais que je me rappelle à l'époque où je connaissais pas trop Roméo, je le croisais sur les shows parce que j'étais élève, donc on montait le ring, etc. Et Roméo me faisait chier avec ça, parce qu'on cherchait une gimmick pour moi correcte. Et du coup, il me fait, mais t'as pas d'idée et tout. Alors, j'avais du mal à trouver des idées. Et il arrêtait pas de me faire chier, c'est quoi ta gimmick? Alors c'est quoi ta gimmick? Il me posait tout le temps la question, dès qu'il me croisait, il me disait, c'est quoi ta gimmick? Et du coup, bah, au final, maintenant je m'entends très bien avec lui, c'est vraiment un pote. Mais au départ, au début, je suis putain, il me saoule, quoi, il me casse les couilles. Et en fait, c'est devenu un pote. Mais pour le coup, ça c'est Sturi, Booster et Ajus, en fait. Je pense que Sturi, il a beaucoup d'idées qui fusent sur tout et n'importe quoi. Alors toutes les idées sont pas bonnes à prendre, mais il en a beaucoup de bonnes, quoi. Et il était parti sur, alors, je sais plus exactement. Bah, je crois que ouais, ça doit être Sturi qui a dû partir sur le côté hooligan, et c'est Booster qui a dû partir. Putain, ouais, faut un truc sur le PSG, parce que le PSG est détesté dans toute la France majoritairement. Du coup, c'est parti comme ça, et en fait, ça m'a bien plu parce que je suis fan de foot, et effectivement, effectivement, oui, ça m'a bien plu et ça a marché. Et en fait, la première fois que la première fois que je l'ai fait, ça, bon, ça a marché au tac au tac, quoi. C'était, ouais, effectivement, c'était exactement ce qu'il fallait. Et après, d'après Ajus et Booster, c'est, j'avais la tête pour et je le jouais plutôt bien. Donc ouais, c'est venu comme ça, en fait. C'est plus venu des idées à droite, à gauche de Sturi, Booster et Ajus en parlant, quoi. En parlant avec eux, ça. Et c'est ton deuxième personnage après celui-là de Bertrand Charles, ou il y en avait encore entre les deux? Non, non, non, c'était vraiment le deuxième. Du C'est le coup, deuxième alors, ouais. le deuxième shot était le bon. C'était le bon. Ouais, parce que le premier était. Ouais, non, j'en ai pas eu entre les. Donc une petite question fantasy booking, on va dire, si tu pouvais choisir coéquipier pour un match par équipe. Oh bah, Zlatan. Bien sûr, Tu peux que dire Zlatan. oui. Pas. Le mec a un ego surdimensionné. Il est. Voilà, non, non, bah oui, que Zlatan, je peux pas, personne d'autre, personne d'autre. Et du coup, est-ce que tu utilises un peu les actualités du Paris Saint-Germain pour ton personnage, pour faire une promo ou autre? Par exemple, une déclaration de Zlatan, est-ce que ça t'aiderait pour une promo, par exemple? Ouais, généralement, on s'était beaucoup inspiré de ça, ouais, sur la, alors peut-être pas du PSG, mais du football en général. Quoi, comme à Révolution 5. Quand j'ouvre le show, je fais la promo. Et en fait, sur l'écran, on avait mis la banderole qu'avaient fait les Parisiens au sujet des Lensois, je crois, au Ah oui, Stade de j'avais vu la France. vidéo, ouais. Ouais, J'avais vu. pédophile, tout ça. Donc ça, voilà, ça excitait les gens tout de suite. Sinon, je me rappelle, il y avait une promo qui était cool où c'était pendant la Coupe du Monde. Je crois que c'était le lendemain du enregistrement télé, je sais plus. Enfin, c'était un show. Je me rappelle plus trop où c'était. Mais c'était pendant la Coupe du Monde en 2010 où il y avait dans le journal, c'était marqué. C'était Anelka qui avait déclaré à Raymond Domenech que je sais plus, ferme ta gueule, je sais plus ce qu'il avait dit, quoi. Et du coup, on s'était inspiré de ça, et je disais qu'Anelka était formé au PSG, que il avait raison, etc. Mais du coup, ça avait fait un tollé énorme, c'était vraiment, ouais, c'était vraiment bien. Et du coup, ouais, si on peut s'inspirer de l'actualité récente ou des choses qui se passent, c'est encore mieux, mais c'est même mieux, ouais, c'est même largement mieux. Mais du coup, tu peux toujours trouver quelque chose, en fait. Dans le monde du foot, il se passe un truc tous les jours, quoi. Donc tu peux toujours, tu vois, j'aurais fait une promo demain, tu pourrais l'axer sur Platini, quoi. Et Platini, ou enfin, ouais, tu peux, t'as toujours quelque chose à trouver. De toute façon, c'est vraiment, je pense que les promos en général, de toute façon, sont inspirés de l'actualité récente, hein. C'est ce qui fonctionne le mieux. Sur le ring, on te voit généralement agir comme un heel. Est-ce que tu as déjà été face? Non, jamais. Jamais. Jamais. Et ça J'ai fait bah, t'intéresserait d'en être? très bien en heel. Très très bien en heel. Après en face, est-ce que je. Ouais, pourquoi pas. Je suis pas sûr que j'ai la gueule d'un face déjà. Sur un choix à Paris, peut-être tu serais face, hein. Ouais, clairement. Et ça, j'ai toujours voulu. C'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion, hein, cela dit, de faire un show sur Paris. En fait, j'avais eu deux kiffs. C'était faire un show sur Paris dans une salle. Bah, tu sais, où il y aurait eu un peu, genre 200 personnes, ça aurait été cool déjà voir. Ouais, je pense, ça aurait bien réagi. Et un show à Marseille ou dans le sud, où je pense que là, il y a moyen qu'il y ait eu une émeute, quoi. Et du coup, ouais, effectivement, à Paris, je pense que j'aurais été face. En fait, en face, si un jour je bosse en face, je serais vraiment, ça serait par rapport au public, quoi. C'est le public qui déciderait, parce que je pense pas que je changerais ma façon de réagir. Pour prendre un exemple, on va dire qui parle un peu à tout le monde, si tu veux, c'est comme à l'époque où Stone Cold était vraiment le mec, il avait des agissements de heel, quoi. Mais le public l'adorait. Voilà, ça serait plus dans cette optique-là, quoi. Mais oui, effectivement, à Paris, ouais, je suis jamais fait de show à Paris, ouais. Mais ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool. Même à Marseille, d'ailleurs, j'aimerais. À Marseille, ça pourrait être très cool. Mais bon, je suis pas sûr de sortir vivant, évidemment. Nos confrères de Vox Catch, pardon, avaient discuté du projet TV Adrenaline avec Booster. On sait que tu y avais pris part. Quel est ton sentiment là-dessus? Je me rappelle notamment que sur Twitter, tu avais dit que tu avais passé 4 heures à travailler des promos face caméra avec Christophe Ajus en coach, par exemple. Ouais, effectivement. Mon avis là-dessus, c'était vraiment une période extraordinaire. Pour tous ceux qui ont participé, c'était, je pense que ça nous a tous fait grandir, parce que plus ou moins. Roméo, Colby, Peter, Lucas, Didéo, tout ça, je pense que ça nous a beaucoup servi, même si malheureusement ça n'a pas abouti. Ça, je pense, c'est le grand regret de tout le monde, c'est que ça n'a pas abouti, parce que c'était à l'époque où le catch était vraiment en plein boom, et on a eu la chance quand Kamas s'intéresse à un projet comme ça. Du coup, ils nous ont, ils avaient des moyens, quoi. Donc, évidemment, dès que t'as les moyens, ça change tout. Et là, on était vraiment dans le truc, quoi. Même les shows d'avant, je me rappelle, avant qu'on tourne les pilotes, j'adorais cette période-là. C'était vraiment ma période préférée. C'est qu'en fait, on se mettait dans les conditions télé, c'est-à-dire que les shows étaient écrits de A à Z. Même mes promos étaient écrites. Quand mes promos étaient écrites, j'aimais beaucoup, quoi, parce que Ajus et Booster arrivaient à me trouver des trucs à écrire. Avec bon, après je le mettais avec mes mots, mais voilà, ça sortait tout seul. Ça, j'arrivais à le sortir vraiment vraiment bien, et à chaque fois ce qu'ils écrivaient, c'était vraiment bien. Enfin, je trouvais que c'était vraiment pas mal. Donc du coup, ça, c'était vraiment les périodes vraiment que j'ai kiffé. Oui, effectivement, parce qu'on devait et comme j'ai un personnage qui doit pas, enfin ouais, qui doit parler, enfin qui parle pas mal en fait, qui est assez qui prend beaucoup le micro, etc. On voulait faire des trucs face caméra, mais alors quand t'as zéro expérience, quand t'as une caméra avec des caméramans, des micros, franchement, ça te met une pression, quoi. Enfin, c'est pas pareil. Enfin, en tout cas, moi, ça me mettait la pression. Et sortir une promo comme ça, parce que juste m'avait rien écrit, il m'avait dit, lui, il jouait le rôle de l'intervieweur, quoi. Et il me disait, hop, tu sors un truc comme ça. Et comme ça, de but en blanc, c'était pas évident. Et du coup, après, toute une après-midi, on a fait ça avec Chris. Il me disait, mais parce que il y avait du monde qui s'entraînait à côté, et toi tu dois le faire dans le vide. Il y avait rien, on l'a fait dans le vide. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas si vous comprenez bien la façon dont je peux le percevoir, mais c'était vraiment c'est pendant 4 heures et tout. Puis à la fin, on a abouti sur une promo qui était pas mal, et on l'a fait face caméra. Et apparemment, j'ai jamais vu entière cette promo, c'est dommage, parce qu'elle a pas. C'était juste un entraînement. Ouais, non, ça c'est pareil, c'est un putain de souvenir. Hein. Je pense que ça m'a fait progresser sur les promos, du futur, quoi. C'est une super expérience. Puis Ajus, c'est toujours de bons conseils, quoi. Même si lui dirait, mais non, n'importe quoi. Mais si, il était très précieux dans le pilote télé, quoi. Et c'est vraiment dommage que ça n'ait pas abouti. Vraiment dommage, parce que je pense que le produit était propre globalement. Enfin, moi j'ai vu. Après, je sais pas. Je crois que Booster maintenant l'a mis en vente, si je me trompe pas, je sais pas. Mais moi, nous, on l'avait vu quand c'était monté et tout. C'était quand même vachement, c'était assez propre, quoi. C'était vraiment propre même d'ailleurs. Mais bon, après, peut-être qu'un jour ça se réactivera, je sais pas. Ah ouais, on peut espérer, oui. On va passer à la formation, à l'entraînement. Il me semble que Westcatch a ouvert un centre d'entraînement l'été dernier. Tu t'y es déjà entraîné? Ouais, j'y suis allé quelques fois. Alors bon, malheureusement, même si c'est pas très loin de chez moi, ça doit être à 2h30 de route, 2h30, ouais, 3h. Donc du coup, je peux pas y aller régulièrement. C'est un peu dommage, mais oui, j'y suis déjà allé. Alors depuis, ils ont déménagé. Ils ont déménagé. Maintenant, je pense qu'ils ont une belle salle, d'après ce que j'ai vu. Ils ont une très belle salle. Après, alors oui, c'est Jack Spence qui dirige les entraînements là-bas. Pour avoir vu un peu ce qui se fait là-bas, c'est très très bien. Parce que Jack Spence c'est un bon, c'est un mec qui apprend bien, quoi. Il fait les bases. C'est physique. C'est les mecs qui arrivent pas. C'est assez sévère aussi. Il est un peu old school entre guillemets, quoi. C'est voilà, quoi. Ils veulent pas des mecs qui viennent pour faire un sport. Enfin, peut-être que ça a changé maintenant, mais je crois pas. Ils ont pas envie de prendre des gars qui font ça juste pour faire une heure de sport par semaine, quoi. Ça les intéresse pas. Ils veulent vraiment des mecs qui en veulent. Et du coup, ça, bah, il y a quelques talents qui sortent, quoi. Je sais que Damien Baron c'est leur meilleur élève pour l'instant. Hein. Je pense que d'ailleurs, il est jeune, mais il veut faire des belles choses, je pense. Il y a aussi Kira qui est sortie il y a pas longtemps. Une catcheuse féminine qui commence d'ailleurs qui catche un peu partout déjà, donc c'est très bien pour elle. Et pour l'instant il y a que eux deux, je crois, de mémoire. Et puis il y a eu un match d'élèves aussi, ouais, au dernier show. J'ai pas vu ce que ça a donné par contre, mais ouais, non, ils ont une bonne même sur leur show, ils ont une bonne mentalité. Les entraînements, c'est très très bon. Je pense que Jack Spain est un très bon formateur, hein. Je pense que s'ils ont des mecs qui en veulent, ils vont sortir des mecs vraiment vraiment bien, je pense. Et beaucoup plus près de chez toi, comment ça se passe à l'INFC de Béthune? L'INFC, alors moi j'ai déménagé du coup, donc ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds. Ah d'accord. Ouais, mais bon, j'y suis allé assez souvent pour pouvoir en parler. Mais l'INFC, alors maintenant, enfin, tu vas me dire. Je suis allé, mais bon, ça a changé parce que je pense que maintenant Peter et Lucas prennent les entraînements en charge. Enfin, je sais pas s'ils les prennent en charge, mais du moins les jeunes qui arrivent profitent de leur expérience. Donc ça a dû changer pas mal. Après, moi j'ai été formé par Booster. Ça reste un entraîneur. De toute façon, tu peux pas. Je pense que en France, on peut pas dire que c'est un mauvais entraîneur, hein. Il suffit de voir tous ceux qui sont sortis et tous ceux qui font carrière maintenant. Lucas et Peter sont des réguliers partout en France et en Europe. La VXV, là, ils vont aller à la Pro Wrestling Hollande, je crois, enfin Hollande. Voilà, bon, ils ont des titres un peu partout. Colby a été en Hongrie, ça a bien marché pour lui en Hongrie. Roméo est aux États-Unis, ça fonctionne plutôt bien aussi. Donc ouais, je pense que tu peux pas trop l'INFC, oui, c'est effectivement, on va dire, c'est l'école de référence, hein. Y a rien à dire là-dessus, hein. Rien à dire. Et tu as fréquenté d'autres écoles aussi? J'ai dû faire un entraînement à l'époque chez NCatch, avec Sturi, Alexaï. Après, c'était pas évident pour eux parce qu'ils avaient pas beaucoup de moyens et donc c'était sur des tatamis de judo. Donc c'est très vite limité, si tu veux. Enfin, t'es tout ce qui est repère dans le ring, courir dans les cordes, tu peux pas. Donc c'est assez limité. Enfin bon, Brian Catch n'existe plus. C'est pas que il y a plus d'activité, donc voilà, la question se pose plus. Mais ouais, Catch et puis FFCP, non, j'avais pas fait, mais quand je regardais les vidéos, ça me faisait bien rire, en tout cas. Or, pas parce que c'était mauvais, mais l'entraînement Made in Mercier, c'est quelque chose. On parle de centre d'entraînement, mais du coup, c'est quoi ton rythme d'entraînement pour le catch? Du coup, moi, je suis pas mal au ralenti maintenant, parce que je suis un peu isolé de tout. Du coup, je me suis bien remis au sport, enfin, au gym, du moins, à la salle de muscu, depuis un an et demi. Mais ouais, niveau in-ring, malheureusement, je suis super limité. C'est pour ça aussi que je pense, enfin, que là, on me voit de moins en moins et je pense qu'on me verra de moins en moins sur les rings, du coup, parce que en France, je pense qu'on a, quand tu regardes les shows qu'il y a à droite à gauche, globalement, je veux dire, le catch en France, ça trouve une équipe qui tourne bien. Tristan Archer, Peter, Lucas, Jack Spain, Damien Baron, c'est des mecs qui sont super bons, quoi. Après, moi, je me suis jamais considéré comme un catcheur français vraiment vraiment bon, quoi. Au contraire, je me considère pas comme quelqu'un de vraiment talentueux au point d'être sur toutes les cartes, quoi. J'ai une gimmick forte, mais c'est ce qui me sauve. Sinon, ça fait longtemps, je pense que j'aurais arrêté. Du coup, voilà. Donc, du coup, niveau catch, oui, pardon. Du coup, pour revenir à la question, niveau in-ring, niveau entraînement pur catch, je suis vraiment limité. Après, je sais que je, par contre, je me suis bien remis en forme, mais c'était plus pour le perso. Après, pour le catch aussi, ça m'a servi. Donc voilà, niveau entraînement, je suis pas, on va dire, catch pur, je suis pas au top du tout. Pour l'instant, enfin, ouais, je suis pas au top du tout pour le moment. D'accord. Mais tu as quand même été, il me semble, tout premier champion de West Catch pendant une durée de 487 jours officiellement. C'est un record pour l'instant. Et quels sont tes souvenirs de ce règne? Ouais, bon, alors, c'est un record, tout est relatif, hein, parce que faut comparer au nombre de shows qu'il y avait. Hein. Oui. Parce qu'on aura un show toutes les semaines, je dirais, ouais, effectivement, c'est un record. Là, c'était pas le cas du tout. C'était sur les débuts de Westcatch. Bon, après, c'est Théo Tiscoun qui gère ça. C'est lui qui a pris la décision. J'étais le premier premier surpris. C'est lui qui a décidé ça. Alors, j'étais très content, très content. Ça m'a permis d'avoir des matchs aussi vachement intéressants. Ça m'a permis de catcher Tristan Archer plusieurs fois. Tristan Archer, enfin les pointures françaises, quoi. Notamment, c'était un match qui, je me rappelle, c'était pas mal. N-Catch avait fait champion contre champion, champion N-Catch qui était Tristan contre moi qui était champion Westcatch. Bah ouais, c'était vachement, bah c'est toujours gratifiant, hein. Quand on te dit, bah écoute, ouais, là tu gagnes le titre là, bon bah c'est toujours gratifiant, hein. C'est toujours bien, ouais. C'est des bons souvenirs. Donc après, je voulais me lancer, enfin j'aurais bien voulu lancer dans une division par équipe, mais c'est pas évident, c'est pas évident. En parlant de la division par équipe, justement, t'as fait équipe avec Roméo, Alexei Petrovic, Big Abyss, Luca Di Leo ou encore Sturi, Ouais. avec lequel tu as ressenti le plus d'osmose, tu t'es dit, tiens, j'aurais pu être champion par équipe avec. Alors du coup, bah, ça tombe bien que tu parles de ça, j'y pensais il n'y a pas longtemps, enfin ça m'est revenu comme ça. Avec Roméo, c'était vraiment cool. À l'ICWR, on avait fait équipe, ouais, je crois pas longtemps, mais 2-3 matchs. Et c'était, j'aurais bien voulu, alors peut-être pas toucher un titre avec lui, mais du coup, parce que lui c'est sa gimmick, un peu jet set et tout ça, et moi c'est un peu le mec de la rue, etc. Donc on faisait un peu c'était une équipe qui n'allait pas ensemble. Donc quand on faisait des matchs par équipe, c'était un peu enfin pas des comédie matchs, mais comme si on s'entendait pas. Enfin j'aimais bien les équipes qui s'entendent pas, je trouve ça cool. Enfin voilà, c'était assez marrant. J'aurais bien voulu poursuivre, mais après, bon lui là, en solo il marche très bien, moi aussi. Mais enfin ouais, j'ai pensé l'autre coup, je disais ouais putain ça aurait été assez cool. Après avec Abyss récemment on avait projet justement de faire une équipe fixe. Du coup, peut-être de m'éloigner un peu de ma gimmick actuelle et se lancer par équipe. Mais au final, lui, ça va peut-être pas, enfin, ça va pas se faire, enfin, du moins pas tout de suite. Ou je sais pas si ça se fera un jour. Lui va se faire opérer, etc. Donc, il va être out. Après, Alexei, ouais, c'était des bons moments. J'ai fait pas mal équipe avec Alexei. C'était assez Sturi aussi. Bah, généralement, tu fais équipe avec des mecs avec qui t'es pote, donc c'est toujours des bons moments, quoi. Mais avec Sturi, c'était assez particulier. C'était assez cool avec Sturi, c'était particulier, mais c'était assez cool. Il y a toujours une façon de, il y a toujours des idées qui fusent partout, donc à chaque fois c'est assez folklore, mais au final ça marche. Tout ce qu'il fait, enfin tout ce qu'il fait. Enfin, il a tellement d'idées, des fois elles sont débiles, mais elles paraissent débiles. Mais du coup, ça fonctionne toujours plus ou moins, donc j'ai des bons souvenirs avec lui. Bon, une question qu'on pose généralement à tout le monde. Comment tu juges l'état du catch en France en ce moment? De mon point de vue à moi, je trouve plutôt, comme je disais tout à l'heure, je trouve plutôt pas mauvais parce que je pense que là, on va dire globalement, les shows qui tournent, enfin les promotions qui tournent bien. Qui ont des dates, tournent un peu avec plus ou moins la même équipe. L'équipe actuelle qui tourne, Tristan, Cormac, qui est sorti de l'ESPE il y a pas longtemps, Peter, Lucas, etc. Franchement, c'est des très bons talents, quoi. ils sont très bons. Donc de mon point de vue à moi, je pense que voilà, par rapport à il y a quelques années, les talents français sont vraiment, ils sont très très corrects quoi au niveau européen. Je pense qu'ils sont pas, dégueux, hein. Ils sont pas dégueux. Après niveau grand public, bah, évidemment ça a baissé. Quand à l'époque ça passait, sur NT1 où il y avait le plein boom, où c'était en plein boom, c'était autre chose. Les salles étaient pleines, tout ça. Donc là, au ralenti, donc les promotions ont du mal à trouver des dates régulières, même si bon, globalement ça arrive à bien se faire quand même. Mais ouais, bah après il y a toujours les guéguerres historiques. Chacun fait ça dans son coin, même si bon, il y a ICWA, Westcatch, la fédération à Bordeaux, je sais plus comment elle s'appelle. FRPWA, ouais. Voilà, c'est ça. Et la Tiger Pro Wrestling, je pense plus ou moins ils communiquent entre eux, donc c'est pas trop mal. Après il y a tout. Bon, après je pense, enfin ça a l'air quand même de se détendre, enfin de d'avoir une osmose un peu meilleure qu'une certaine époque. Faudrait espérer que la Ring of Honor qui passe sur l'équipe 21 essaye de, je sais pas ce que ça donne les audiences actuelles, enfin depuis que ça a commencé, mais il faudrait que ça reprenne un peu, ça serait bien que ça reprenne un peu d'envouement comme à l'époque de NT1, mais bon, c'est le catch, c'est souvent une mode qui passe. À l'époque où il y avait la grande mode, personne n'a réussi à saisir la chose, même si la ICW était sur la bonne pente. Mais bon, après c'est pas évident, hein. Il y a beaucoup de paramètres, hein, qui font que ça peut pas se faire à chaque fois, mais non, bah de mon point de vue, c'est pas, en tout cas niveau talent français, non, il y a des très très bons talents, des excellents talents. Et en termes de talent français, si tu en avais un à choisir et à mettre en avant, tu choisirais lequel? C'est pas évident. Dans les plus anciens et dans les jeunes qui sortent. Alors dans les anciens, s'il y en a un, je devrais ressortir. Ouais, c'est pas évident. Parce que Jack Spence, j'aime beaucoup Jack. Je trouve qu'il lui manque un petit truc dans sa gimmick. Je sais pas quoi, hein, évidemment. Sinon, ça serait facile. Mais il manquerait un petit truc pour passer un palier. Parce qu'il est techniquement sur le ring, il est juste parfait. Mais il lui manque juste un truc. Alors je sais pas qui va trouver ce truc, mais si quelqu'un le trouve, putain, il pourrait vraiment passer un cap énorme. Jack Spence, je peux pas en sortir qu'un parce qu'il y en a beaucoup trop. Parce que Peter, pour moi, c'est Brian Danielson, mais on va dire le Daniel Bryan français, plus ou moins, parce qu'il est, ouais, il vit ses matchs, donc il est tout le temps dedans à 100%. Puis comme il est très, ben, il est 100% sport, donc niveau physique, il est au point. Voilà pour ceux qui se cachent depuis longtemps. Et pour les jeunes, j'ai vu qu'un match de lui, à Revo 7. Cormac, j'ai bien aimé, mais bon, bah ça, mon préféré restera Damien Baron, que je trouve vraiment, s'il continue, ouais, faut qu'il continue à pas se poser de questions et à pas se prendre la tête. Et puis physiquement, il a pris pas mal là, ces derniers temps. Damien Baron, moi je pense que c'est vraiment le grand futur. Pas le grand futur, le futur. Mais bon, faut pas qu'il prenne le. Bon, je pense pas un mec qui a l'air de se prendre le melon, mais il a l'air d'être assez simple. Et je pense qu'il y a toujours Théo qui est derrière et Jack pour le redescendre au cas où. Mais ouais, non, je le trouve vraiment bien. Bon, maintenant, on va revenir au niveau du fan. Est-ce que tu as déjà assisté à un show de la WWE live? Deux fois. La première, c'était à Bercy. Alors, je sais plus quelle année. Je crois que ça devait être 2008 à Bercy. À l'époque, c'était Raw et SmackDown. Donc, ça devait être SmackDown, je crois, à l'époque. Et puis, une fois à Nantes, au Zénith de Nantes. Ouais, donc, j'y étais deux fois. Bon, après, c'est toujours, c'est la WWE, mais sur les shows, live, c'est jamais transcendant, quoi. C'est jamais des shows. Je me rappelle, moi, quand j'étais à Bercy, le champion World Heavyweight, c'était le Great Khali, quoi. Donc, c'est marrant, mais voilà, c'est pas un truc qui te font garder un souvenir du show extraordinaire, quoi. Tu as parlé tout à l'heure de la ROH sur l'équipe 21. Donc, du coup, est-ce que tu suis encore des fédérations à la télévision ou sur Internet, autre que Ring of Honor? Avant, je suivais beaucoup. Il y a pas très longtemps, je suivais la Lucha Underground. Et puis, bah là, j'ai arrêté parce que faute de temps, enfin, c'est faut télécharger les épisodes. Du coup, je suis plus. Enfin, au moins, je suis plus. Mais sinon, bah oui, la VVE. Enfin, oui, la VVE. Je suivais. Et la Ring of Honor, j'étais vraiment, depuis qu'ils ont commencé leur produit télé, je suis vraiment assez fan de ce qu'ils, enfin, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Bah, j'ai toujours aimé la Ring of Honor, mais ouais, j'aime beaucoup la Ring of Honor. Après, alors suivre, vraiment suivre, non. Mais des fois, je regarde des matchs de la Chikara ou des choses comme ça, ou la New Japan Pro Wrestling, mais suivre, non, je regarde les matchs, quelques shows, mais je suis pas ardument certaines fêtes, quoi. Et pas la NXT non plus ou... NXT, alors oui, ouais, NXT, pareil, je suivais au début pas mal. Bah, quand ils ont signé, on va dire, quand ils ont signé les gros stars indies. Et là, tu vois, bah, c'est pareil, là, je suis, ça c'est un peu, ouais, je suis plus trop, ouais. Je suis par la lecture. Je regarde les résultats sur Internet, mais je regarde plus trop les. De temps en temps, je tombe sur un match et je regarde, et je suis pas le show en entier. Non. D'accord. Bon, malheureusement, là, t'as dit que ça serait compliqué à l'avenir, que pour le truc du voyage, pour performer dans le ring, c'est plus compliqué, non, j'imagine. C'est pas quelque chose que t'envisagerais. Le voyage, tu parles. De voir, d'aller quelque part dans un pays, juste pour voir comment ils travaillent. Est-ce que ce serait quelque chose qui te passionnerait, par exemple? Ouais, ça aurait été vraiment intéressant de le faire. Alors, quand j'étais à l'époque où j'étais installé dans le nord, près de la SCWA, oui, ça aurait été vraiment intéressant de le faire en Allemagne ou en Angleterre, ça aurait été vraiment cool. Mais bon, après, ça s'est jamais fait. Puis après, c'est un certain coût, certains budgets, etc. Mais ouais, non, actuellement, oui, non, c'est plus du tout au projet, évidemment, mais bon, après, oui, ça aurait été intéressant de le faire, en tout cas, ça c'est sûr. Moi, j'ai une dernière question. On sait que tu as débuté ta carrière en 2007. Combien de temps est-ce que tu te vois encore continuer à catcher? C'est une bonne question. Du coup, tu vois, enfin, c'est compliqué, c'est que on a toujours envie, mais je sais que je pense que, enfin, de toute façon, je vais prendre du recul et je pense que de toute façon, le monde du catch français, tu vois, ils vont m'appeler de moins en moins, et c'est normal, parce que, je te dis, ils ont des mecs qui s'entraînent toutes les semaines, ils ont des mecs vachement performants, donc là-dessus, j'ai pas de souci avec ça, justement, je pense que c'est normal, parce que faut pas se leurrer. Si tu t'entraînes pas in ring, ou des entraînements de catch, etc., réguliers, tu peux pas progresser, et de deux, t'es pas performant, t'es plus performant, quoi. C'est comme ça, c'est la réalité des choses. C'est, faut pas croire que le catch, c'est comme, voilà, ça se fait, tu fais les entraînements, tu commences sur les shows, puis après, tu peux t'arrêter, et puis, non, c'est malheureux, enfin, malheureusement, non, c'est pas comme ça, quoi. C'est comme tout, hein, c'est comme tout sport, hein. Un footballeur, il s'entraîne pas pendant 2 ans, il va pas faire un match en, niveau professionnel comme ça, quoi. Donc c'est, voilà, faut bien se mettre ça dans la tête, c'est que tu peux pas, en tout cas c'est moins évident de catcher régulièrement sans t'entraîner régulièrement, tout simplement. Donc voilà. Après, je sais que évidemment, quand je suis sur un show, j'ai toujours, on va pas dire cette âme d'enfant, mais toujours cette passion qui est là, etc. Mais je suis en train de réfléchir peut-être à un autre rôle dans ce monde. Après, je verrai si ça aboutit ou ça aboutit pas, mais ouais, je suis un peu en pleine réflexion, en fait, pour le coup. Mais en tout cas, je trouve l'équipe qui tourne très très bonne, et je trouve ça normal que du coup il fasse appel plus ou moins aux mêmes personnes. Et pour mon cas personnel, qui m'appelle moins, c'est normal, quoi. Il y a pas de là-dessus, moi j'ai pas de problème avec ça, et je trouve ça normal quand je vois qu'il y en a qui, enfin, il y en avait, en tout cas, après, je suis plus trop maintenant, mais qui se plaignaient parce que les mecs, on les appelait pas, ou je sais pas, ou du coup, ils catchaient gratuit pour pouvoir catcher, c'est de la merde, quoi. C'est, voilà, si à un moment donné, t'es pas appelé, c'est que c'est qu'il y a meilleur et faut pas chercher. C'est que bah là actuellement il y a meilleur, largement meilleur. Donc voilà, il y a pas à chercher. Il y a pas à chercher plus loin quoi. Merci beaucoup en tout cas pour ce super moment, cette très bonne interview. Donc d'abord, bon, pour conclure, je rappelle juste quelques partenaires, ma chaîne Catch, Temple du Catch, Vox Catch, Catch Attack, British Wrestling Revival, Fenlut notamment, bon, ceux qui ont été oubliés, j'y pense quand même. Juste, je voulais te demander, est-ce que tu aurais une dédicace ou un mot à dire Bah, écoute, juste faire un bisou à tous mes potes, parce qu'on se voit avec tous mes potes du catch, qu'on se voit pas assez souvent, parce qu'évidemment chacun est éparpillé, plus ou moins éparpillé en France ou en Europe ou dans le monde, pour penser à Roméo, parce qu'il n'y a que lui qui est aux États-Unis, et puis ouais, il y a que Roméo du coup. Mais du coup, ouais, bah ouais, je leur fais tous un bisou, parce qu'on se voit pas assez souvent, quand on se voit, on s'éclate toujours autant. Mais ouais, je leur passe un coucou à tous ceux que j'apprécie. D'accord, très bien. Mais je sais qu'il y en a qui écoutent de toute façon, et puis on n'hésitera pas à leur faire partager l'interview. Je Ouais, sais que ça marche. Roméo aime bien réagir, par exemple. Bah écoute, s'il réagit, tant mieux. De toute façon, lui, je veux juste que ça fera lui lancer un défi là-dessus. Faudra qu'il vous envoie la vidéo du catcheur mannequin. Alors vous lui demanderez ce que c'est, et s'il le fait, s'il le fait en public, c'est énorme. Mais le catcheur mannequin, c'est un truc entre nous, et faut qu'il fasse le catcheur mannequin en string de préférence. D'accord. Très bien, le défi est lancé. Donc on va voir si ce sera le grand début de l'année 2016 ou le cadeau de Noël, on verra. Ouais, le cadeau de Noël, ça serait cool, ouais. Mais bon, ça me paraît difficilement réalisable, mais en tout cas, voilà. S'il aime bien réagir, du coup, au moins il entendra ça, quoi. Très bien, ouais. Donc merci beaucoup. En tout cas, très très bon moment. Donc, je te souhaite une bonne réussite dans tes projets, en tout cas à venir, tant au niveau du catch qu'au niveau professionnel. Ouais, ça marche, merci. C'est pas forcément évident dans la vie de tous les jours, j'imagine, donc. Ouais, mais bon, bah, c'est comme tout le monde, mais après, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais en tout cas, ouais, bah, c'était cool. C'était cool au niveau de l'interview. Et puis, poursuivez votre travail, les gars. C'est cool d'interviewer des mecs du catch en France. J'ai vu l'autre coup, le petit ange, etc. Des mecs qui, des jeunes qui viennent de sortir. Donc, non, c'est bien. C'est bien. Merci à Seb de m'avoir accompagné. Ouais, merci, ça m'a fait plaisir aussi, hein. Et puis bon, on espère donc un nouveau rendez-vous prochainement, bien sûr. Et puis on va suivre évidemment ton évolution et comment ça se passe pour toi. Et donc encore merci. Et puis à la prochaine pour une prochaine interview et de prochains podcasts. Voilà. Ok, merci à vous. À ciao. Ciao.